Chapitre 24. La lettre posthume. Le yacht blanc glissait sur la Méditerranée. Le soleil se mirait aux millions de facettes miroitantes de la mer. La matinée d'avril était bleue, dorée, glorieuse. Les voiles du navire chantaient dans le vent printanier. Il y avait plus d'un mois qu'il naviguait entre Barcelone et Venise. Mais Jim Joy n'avait toujours pas écrit son roman. Peut-être, un de ces soirs, quitterait-il sa jeune femme endormie pour s'asseoir à la petite table dans la cabine, saisir la plume et retracer, en mou brûlant, les événements étranges de ces dernières semaines. Peut-être, et peut-être pas. À quoi bon maintenant les aventures? Il vivait la grande aventure de la vie et de l'amour. Mais Joy, étendue sur une chaise longue sur le pont, s'épanouissait au soleil comme une rose blanche. Ses cheveux, peu à peu, reprenaient leur couleur naturelle, et les frissons dorés ombraient son cou. Le mariage avait eu lieu à Paris, dans la plus stricte intimité, à l'ambassade des États-Unis. Les témoins du marié étaient Fred Blake et l'inspecteur Leeds. Les demoiselles d'honneur de la mariée, Miss Maud Peel, la fille de l'ambassadeur, et la contessina Bianca di Mirandello, mandée par son père de Felix Stowe. Au déjeuner intime qui avait suivi la cérémonie, n'assistaient que M. Wentworth, le comte di Mirandello, l'inspecteur Lepic et M. et Mme Renner, alias Jeannette Perry. Après le déjeuner, les jeunes mariés s'étaient rendus à la gare de Lyon et avaient pris le train pour Marseille, où les attendait leur petit yacht, cadeau de noces de Phineas Wentworth. En contemplant les lignes gracieuses du yacht, Jim songeait avec un sourire au gréement d'un navire plus rude, mais construit avec tous les perfectionnements de la technique moderne qui faisait l'orgueil des Guernec. Le jeune Albert et aimable Annette avaient maintenant une compagne, mais la blonde. Un des deux matelots qui formait l'équipage du yacht s'approcha de Jim et, portant deux doigts à sa casquette, annonça. « Sœur, nous approchons de Cannes. »« Parfait. Tâchez d'y arriver avant midi. Je dois aller à la banque. » Le yacht aborda et prit sa place parmi les élégants navires, ancrés en rade de Cannes. « Vous descendez avec moi, mais... »« Non, Jimmy. Je vous attendrai ici. La terre ne me tente pas. J'aime mieux notre chère maison flottante. Revenez vite. » Jim se pencha sur son visage. Même feu Miss Esther Bell n'aurait rien trouvé à redire à la longueur et à l'ardeur de son baiser. Souple et léger, avec la grâce un peu gauche des jeunes Anglais sportifs, il sauta prestement à terre et se dirigea vers la croisette. À la banque, en attendant l'argent qu'il devait toucher, il prit machinalement sur le comptoir quelques vieux numéros du Times. Il n'avait pas lu les journaux depuis un mois. Il parcourut les titres. Conférence de désarmement, guerre, changement de ministère, mariage de princes épousant des bourgeoises, et soudain, blêmit. Sur la première page d'un numéro datant d'une huitaine de jours, en gros caractères, s'étalait le titre « Exécution de Mary Brown ». L'employé lui remit l'argent, qu'il empocha automatiquement, et dit « Il y a une lettre pour vous, sœur. Elle vous attend depuis quelques jours. » Il prit la lettre d'un geste d'automate et jeta un regard terne sur l'enveloppe. Un flot de sang monta à son visage. C'était son écriture. Craignant les regards indiscrets, incapable de maîtriser son émotion, Jim sortit, traversa la rue, descendit sur la plage et se laissa tomber sur le sable. Un brouillard doré qu'obscurcissaient de temps en temps des vapeurs sanglantes, emplissait son cerveau. Les vagues miroitantes et les caractères tracés sur l'enveloppe d'une écriture enfantine bien connue dansaient devant ses yeux. Il les contemplait avec angoisse. Des histoires sinistres de papier empoisonné lui revenaient à la mémoire. Mais une voix candide résonnait à son oreille. « Ne craignez de ma part aucune vengeance ténébreuse. » Elle avait dit vrai, il n'en doutait pas. Mais alors, que lui écrivait-elle? Était-ce un dernier aveu du béguin qui l'avait conduite à la mort? L'expression d'un remords tardif pour ses crimes? L'explication posthume de cette nature étrange? La confession de cette femme qui avait failli lui être fatale? Brusquement, il déchira l'enveloppe. Sur une feuille de papier, portant l'entête de la geôle de Reading, il lut. « Mon cher Jim, un petit mot encore avant qu'on ne me pende. J'ai longuement réfléchi et j'ai enfin trouvé un titre pour votre livre. Il s'appellera « L'homme au roman policier ». Dédiez-le à ma mémoire. Et si vous n'avez pas de succès, ce ne sera pas de ma faute. » Fin de « L'homme au roman policier » de Juliette Paris, lu par Isade en juin 2021, à partir d'un texte numérisé par la Bibliothèque numérique romande.